peau de phoque, peau d'âme. En un temps qui fut, qui est maintenant à jamais disparu et bientôt sera de retour, les jours de ciel blanc, les jours de neige blanche se succèdent. Et les petits points noirs qu'on aperçoit au loin sont des êtres humains, des ours ou des chiens. Ici, rien ne pousse pour rien. Ici, les paroles gèlent en l'air. Et l'on doit casser des phrases entières à la sortie des lèvres de celui qui parle et les faire fondre auprès du feu pour savoir ce qu'il a dit. Ici, les gens vivent dans l'abondante chevelure de grand-mère Anoulouk, la vieille sorcière qui est la terre en personne. C'est là, sur ce sol, que vivait un homme. Un homme si seul qu'au fil des ans, les larmes avaient creusé deux abîmes sur ses joues. Un soir, il chassa après la tombée de la nuit, mais il était toujours bredouille. La lune montait dans le ciel et illuminait la banquise lorsqu'il arriva en vue d'un rocher qui se dressait sur la mer. Là, dansait un groupe de femmes, nues comme au jour de leur naissance. Bon, c'était un homme seul, qui n'avait d'amis humains que dans son souvenir. Mais la solitude qui pesait sur sa poitrine comme une dépouille humide disparut soudain, et presque sans savoir ce qu'il faisait, il bondit sur le rocher et déroba l'une des peaux de phoque qui se trouvait là. Bientôt, les femmes revêtaient leurs peaux de phoque et une par une se glissaient dans la mer. Toutes, sauf une, la plus grande, qui cherchait partout sa peau de phoque. L'homme quitta l'abri du rocher et lança « Femme, sois mon épouse. Je suis un homme seul, si seul. » « Je ne veux pas être une épouse, répondit-elle, car je suis de celles qui vivent en dessous. »« Sois mon épouse, répéta-t-il, dans cet été, je te rendrai ta peau de phoque, et là, tu pourras partir ou rester, comme tu voudras. »« Je viens avec toi, dit la femme phoque, à regret, et dans cet été, il en sera décidé. » Ils eurent un enfant, qu'ils appelèrent Ourouk. C'était un enfant souple et grassouillet. Mais le temps passant, la peau de la femme vint à se dessécher, desquama, puis se craquela. Ses paupières pelèrent, ses cheveux commencèrent à tomber. Elle devint d'une pâleur mortelle. Elle se mit à tendre les mains devant elle pour trouver son chemin, car sa vue s'obscurcissait. Il en alla ainsi jusqu'à ce qu'un soir, l'enfant Ourouk fut réveillé par des cris et se dressa sur sa couche de peau de bête. « Tu as caché ma peau de phoque il y a 7 longues années, et maintenant le 8e hiver arrive. Je veux qu'on me rende ce dont je suis faite, » gémissait la femme phoque. « Et toi, femme, si je te la rends, tu me quitteras. » Sur ces mots, l'époux rejeta brutalement de côté la portière de cuir et disparut dans la nuit. L'enfant aimait énormément sa mère. Il eut peur de la perdre et pleura longuement. Il finit par s'endormir avant d'être réveillé par le vent. Un vent étrange qui semblait l'appeler. Ourouk, Ourouk. Il quitta son lit et se précipita comme un fou dans la nuit semée d'étoiles. Il courut jusqu'à la falaise qui surplombait la mer, et là, loin, sur la mer agitée, il y avait un énorme phoque argenté. L'enfant dégringola la falaise et buta tout en bas sur un ballot qui avait roulé d'une faille dans les rochers. L'enfant déroula le ballot et le secoua. C'était la peau de phoque de sa mère. Il pouvait sentir son odeur. Le petit garçon escalada la falaise et rentra chez lui en courant, la peau de phoque volant derrière lui. Il se laissa tomber au sol. Sa mère les releva, fermant les yeux de gratitude, car l'un et l'autre étaient saufs. Elle enfila sa peau de phoque. « Oh non, maman !» s'écria l'enfant. Elle prit le visage de l'enfant entre ses mains et lui insuffla sa douce respiration dans les poumons. Une fois, deux fois, trois fois, puis en le tenant comme un précieux ballot sous son bras, elle plongea sous la mer et s'y enfonça de plus en plus profondément. Ils nagèrent ainsi jusqu'à ce qu'ils parviennent au havre sous-marin des phoques. Là, le grand phoque qui avait appelé Ourouk dans la nuit étreignit l'enfant et l'appela son petit-fils. Les jours et les nuits passèrent, 7 pour être exact, au cours desquels la femme retrouva son lustre, sa belle couleur sombre, et vint le temps de ramener l'enfant à terre. Sa mère promit « Je serai toujours avec toi. Il te suffira de toucher ce que j'ai touché et je soufflerai dans tes poumons un vent pour que tu chantes tes chants. » Après avoir maintes fois embrassé l'enfant, le vieux phoque et sa fille s'arrachèrent à lui et se laissèrent glisser dans la mer. Le temps passa. L'enfant grandit et devint un superbe joueur de tambour, un merveilleux chanteur et conteur. Maintenant, on peut encore le voir dans les brumes grises du matin. Il s'agenouille sur un certain rocher sur la mer et semble parler à un certain phoque, une femelle qui vient souvent près du rivage. Ne pas perdre sa peau de phoque, c'est l'un des enjeux de la relation à autrui.